Ouais, c'était les balles à l'époque aussi. Ah oui. Eh ben, on t'accueille, bouge pas, Augustin, tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est un habitué de la radio, hein. Depuis 3 ans, il vient régulièrement nous parler justement de la mucoviscidose. Viscidose, excuse-moi Augustin, j'ai toujours du mal avec ce... C'est aussi difficile à écrire, à dire que la maladie en elle-même. Ouais, c'est tellement une maladie que j'aime pas, que voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à le dire aussi. Alors, plus de 300 sites, plus de 4,9 millions d'euros l'année dernière, en 2019, des milliers de bénévoles mobilisés. Et malheureusement, ouais, c'est un grand mot avec un grand M, cette année, annulé. Ouais, annulé. La tienne est annulée. Il y en a d'autres qui vont... Il y en a une autre. Alors, on va parler que du Loiret. Parce ouais, que on va pas tous même si je suis délégué du Région Centre, bien sûr, dans la Région Centre, ouais, il y en a aussi deux autres qui ont été annulés. Enfin, ouais, d'autres qui attendent, qui sont sur le fil du rasoir, on ne sait pas trop. Et c'est quoi? C'est un décret préfectoral ou alors... C'est préfectoral. Ouais, voilà. C'est le préfet qui décide. Dit oui ou non. Voilà, s'il y a eu des augmentations d'hospitalisation, des décès, des trucs. Surtout que si le Loiret, augmente, on est en zone rouge. Voilà, nous, on est en zone rouge. Il y a l'Indre-et-Loire qui est passé en zone rouge aussi. Donc, voilà. Donc, si le préfet fouette un peu le pauvre, il dit on fait pas et puis c'est tout. On fait pas. Bon, après j'ai vu des choses bizarres se passer dans le Loiret, qui ont eu lieu. Exact. Je vais pas balancer parce que je suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis un peu énervé quand j'ai vu ce week-end. Ben moi aussi j'ai vu un festival à Orléans. Je vais pas donner de nom. C'était samedi pendant 3-4 jours, il y a eu un festival à Orléans. C'était en Orléans, à côté de la cathédrale. Comme ça on dira pas que j'ai balancé. Je suis un peu énervé parce que j'ai vu des rassemblements de folie. On m'a envoyé des vidéos de fous. J'ai vu du monde de folie parce que j'y ai été, hein, j'ai été voir de mes propres yeux et j'ai voilà, bon je comprends pas, enfin bref, on n'est pas là pour faire la justice, on est là juste pour relater des faits. Alors, aussi il faut le faire. Alors annulé cause Covid-19, j'ai le flyer sous les yeux, les virades de l'espoir, gardons le souffle, c'est ça? C'est ça, gardons le souffle. Il faut garder. On peut expliquer un petit peu aux auditeurs qui ne connaissent pas ce que c'est que la mucoviscidose. Alors la mucoviscidose, c'est une maladie invisible, déjà. Déjà se voit pas. Pas de bol, c'est un peu comme le Covid, hein. C'est invisible. Il est invisible, le Covid. C'est là que c'est pénible. Alors ceux qui l'ont, je peux vous assurer, pour eux, c'est pas invisible. Parce qu'ils le prennent en pleine poire et c'est très terrible parce que ça touche les poumons et le système digestif. Ça entrave la vie des enfants et des adultes. Ouais. Et puis en même temps, les patients sont de plus en plus nombreux à atteindre l'âge adulte. Parce qu'il y a une époque, quand Manon est né, à l'époque de Manon, quand les gamins naissaient, c'était 17 ans l'âge, l'espérance de vie. Et Manon, c'était 24 ans. Ouais. À l'heure actuelle, aujourd'hui, elle a 27 ans. Ouais. Et aujourd'hui, quand des enfants naissent aujourd'hui, l'âge de l'espérance, c'est 50 ans. 50 Donc, ans. Voilà, ça a quand même évolué. Les médicaments ont évolué. C'est par rapport aux médicaments que ça évolue. Médicaments, les soins aussi, la qualité de la vie. Ouais. Les parents et les enfants prennent soin. L'hygiène de vie. C'est hyper important. Elle est bien, l'hygiène de vie maintenant. Enfin, elle est mieux qu'au Moyen Âge. Hein, c'est ce que les gens sont en train d'apprendre avec le Covid là maintenant. D'accord. C'est un peu ça parce que je pense qu'ils se rendent compte, Léon. Voilà, le port du masque. Parce que tu vois, des fois quand je vois, il faut vous laver les mains. Bon, bah après c'est un peu la base. Mais les gens se lavent 15 fois les mains par jour. Manon, à 27 ans. Parle bien près du micro, moi. Pardon. Manon, tu peux monter avec ta main. Tu peux le monter. Voilà, il y a un grand micro quand t'as mis. Voilà. Comme ça, on t'entend mieux. Voilà. Manon, à 27 ans, mais les gestes barrières, elle les connaît depuis son plus jeune âge. Eh ouais. Mettre un masque quand elle va chez le médecin, à l'hôpital, quand elle va au cinéma, elle ne faisait pas des bisous, elle touchait pas la main. Tout ça, elle le faisait avant. Donc c'est des enfants qui sont à l'heure actuelle, les patients connaissent très bien ces gestes. Ils sont habitués, en fait. Ils y sont habitués. Ouais. Et nous, ça nous fait doucement sourire parce que quand on voit que tout le monde maintenant, il y a des gens qui râlent parce qu'ils mettent le masque, il y a des gens qui râlent parce qu'ils se touchent plus la main, se font plus la bise, qui vont dans des boîtes de nuit sans en faire attention. Mais il y en a plus maintenant. Comme ça, c'est arrivé. Oui, je sais. Malheureusement. Je sais de quoi je parle. Je te plains. Je suis fermé. Je te suis. Non, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour parler de mon cas. Voilà. C'est un autre sujet. Voilà. Donc, les conséquences de cette maladie, c'est une toux fréquente et et chronique. C'est des infections respiratoires fréquentes. C'est une gêne à la respiration. Quand ils respirent, c'est... Ah ouais, ils ont mal. Je sais pas si ça passe à la radio, mais c'est exactement ça. Et à terme, une dégradation de la fonction respiratoire. Ouais. Et les conséquences, c'est l'atteinte des intestins, du pancréas. Manon, son pancréas est foutu complètement. Ah ouais. Elle a un diabète de type... Alors, je crois qu'elle, c'est le 1, le 1 pour elle. Et elle a une pompe à insuline en permanence sur elle. Moi, j'ai un pote qui en a une aussi, ça fait... Voilà, donc elle vit ça tout le temps. Elle a toujours cette pompe, elle a son appareil pour Qui mesure, après tu injectes du produit, etc. Voilà. Alors ouais. C'est bien gênant quand tu vas à la piscine. Quelle c'est vie. Bien gênant quand tu vas à la mer. Ouais. C'est, voilà. Par contre, c'est... ça évolue. Avant, il y avait beaucoup de piqûres. Maintenant, ils ont mis la pompe avec le détecteur. Fais... Alors, quand elle va à la plage en vacances, par exemple, elle enlève la pompe. Ouais. Ça la fatigue parce que ça fait des. Au bout d'un moment, quand te piquer toujours au même endroit, ça fait mal. Ouais. Donc, elle reprend les piqûres et pour elle, c'est vachement mieux parce qu'elle peut se piquer un peu n'importe où dans le ventre. Là où ça la gêne. Puis la pompe, c'est vrai, aux yeux des gens, on sait comment c'est. Tout le monde regarde, c'est quoi. Tu connais le métier de ma fille maintenant. Ouais, je connais. Elle est professeure des écoles, donc les enfants, quand ils la voient arriver avec ses tubes partout, ils disent, maîtresse, ton tube? Alors, elle leur explique, ils comprennent très bien, c'est facile. En tout cas. Alors, des douleurs abdominales, des diarrhées, etc. Beaucoup de choses. Alors, en temps, quand tout va bien, c'est 2 heures de soins par jour. Ah oui, quand même, quand tout va bien. Kiné, tout ça, Kiné, les médicaments, tout ça, c'est les prises d'antibiotiques, les aérosols, etc., j'en passe. Mais quand ça merde et que c'est... Alors, quand ça va pas. Hospitalisation. C'est 6 heures. Ah, 6 heures. Par jour. Ah, ouais, d'accord. 6 heures par jour. Et puis après, c'est antibiothérapie. Donc, c'est des antibiotiques à dose très forte pendant 24 heures. Ça, et ça, pendant 15 jours à 3 semaines. Ouais. Voilà. Et plus de 20 médicaments par jour maintenant. 20 ah, c'est énorme. Par jour. Ouais. Mais maintenant, on est à 25. Moi, des fois, quand je prends un Dafalgan, j'ai du mal à le prendre. Alors, j'imagine. C'est 25 par jour. 25, et il faut surtout pas les oublier. Surtout pas les oublier. Alors, si on l'oublie, ça se passe comment? Est-ce que ça dérègle un peu le système? Si on l'oublie une fois. Pas très grave. Une fois dans la journée. Ah, dans la journée, ouais. Ça va. Ça passe. Ce qui est mauvais, c'est pour la digestion. Elle a décaché exprès pour digérer bien comme il faut. Elle a tout de suite l'estomac qui devient comme du béton. Ah mince. Donc là, merde, j'ai oublié mon truc. Alors là, elle va le reprendre. Ah, c'est l'organisation. Mais si jamais, comme c'est déjà arrivé une fois, tous les mucos l'ont fait une fois, ou presque, c'est de dire j'en ai marre de tes trucs. Je prends plus, j'arrête. Ça dure pas plus de 3-4 jours. Au bout de 4 jours, ils sont obligés de reprendre parce qu'il y a des retours et ça va pas. Voilà. Donc, en France, on a 7500 patients à peu près qui sont atteints de la mucoviscidose. Il y a un enfant qui naît à peu près tous les 2-3 jours. Et puis, il y a aussi un ou deux de moins en moins, qui décèdent. Ouais. Parce que l'espérance de vie augmente. Le don d'organes a changé. À l'heure actuelle, tout le monde est censé être donneur, quoi qu'il arrive. Ouais. On ne demande plus d'autorisation. Sauf quand c'est un mineur, on demande quand même aux parents, c'est la moindre des choses, quand c'est un enfant, famille, on demande. Ouais. Mais sinon, on est censé être donneur de tous les organes qu'on a sur nous. D'accord. Que ce soit les yeux, les reins, le cœur, le poumon. Ouais. On peut donner les yeux, le rein, les yeux, c'est pas les yeux, c'est juste la cornée. Bien sûr, j'ai bien compris. Ouais. Et puis voilà, quoi, il y a le pancréas, le foie, les poumons, le cœur, tout ça, ça part. On peut même donner des bouts de d'intestin. Ah carrément, je savais pas. Et des fois c'est des prothèses. On met des trucs en plastique. Quoi. Voilà. Donc ces virades sont annulées. Alors ma virade est annulée. Ta virade. C'était à Sarcote. Cheville, à côté. Ma virade est annulée. Parce que quand on a fait la demande, il fallait faire une demande au préfet. Et lui, ce qu'il a pensé, c'est quoi? Rassemblement tout de suite, non? Voilà, c'était interdiction de faire des rassemblements de plus de 10 personnes. Ouais, j'ai vu ça, Donc, le décret. C'était impossible, parce que on organisait un vide-grenier où on avait beaucoup de monde. Ah, j'imagine, On avait des balades à moto, on avait des balades en voiture, des courses à pied, du vélo, on avait des jeux pour enfants, des structures gonflables, on avait tout ça, plein, et forcément. Ça amène du monde. Ça amène du monde, donc. Après, il n'y a pas fait par groupe, je sais pas, j'ai des bêtises. Alors, c'était conseiller de faire des groupes de 10 à la marche, espacés de 2 mètres chacun. Ah ouais, ça va, voyons, ça va jusqu'à. C'est impossible. Jusqu'à Paris. C'est impossible. Au début, ils vont le faire, mais quand nos marches allaient dans les bois. Il faut être en action. Les gens vont se regrouper, forcément, et ça, c'était pas possible. Imaginons qu'à Chevilly, on se retrouve avec un cluster sur le Covid. Là, les télés qu'on demande tous les ans de venir, là, elles vont venir, elles vont venir en courant. C'est rigolo parce que tu les as pas, et puis là, ils vont venir. Ah là, ils vont venir, oui. Bien sûr, ça va les intéresser de venir nous voir, les journaux, les médias, tout ça. Ouais. C'est leur boulot c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut qu'ils viennent parler de la muco. C'est ça. Mais ils viendront pas parler de la muco. Ils vont venir nous dire pourquoi t'as mis le gel à droite, il fallait le mettre à gauche. Il fallait pas être 12, il fallait être 10. Hein. Donc, on a pris cette décision qui nous fait mal au cœur, mais à côté, on s'est trouvé une raison. Une raison. Enfin, moi, sage et responsable, c'est de dire que on défend une maladie, on se bat contre une maladie qui s'appelle la mucoviscidose. C'est pas pour favoriser le Covid. Oui, oui, je vois ce que et tu ça, veux on dire. Va nous le reprocher systématiquement. Tout à fait, ouais, c'est ça. Donc, je préfère dire, bon, stop, on fait pas la muco. Voilà, comme ça, il y aura pas de Covid. Il y aura pas de problème, entre guillemets. Et on demande aux personnes qui seraient venues ou qui ont envie de venir, qui ont envie de nous aider, parce que... Il y en a qui ont envie, ouais. Ah oui, oui, ouais. De faire des dons. Alors ouais. Justement, j'ai le petit dépliant sous les yeux qui a été mis en place via ce petit bulletin de participation qui est en deux volets. C'est ma seule dépense de l'année, c'est terrible. T'as payé ? Non, t'as pas payé ça. Si, je vais payer. Ouais, y a pas un partenaire qui aurait pu te le payer ça ? Ouais, mais enfin c'est pas énorme. Ouais. Arc-en-ciel peut-être ? Ouais, bah nous on a pas trop de budget, mais bon. Il y en a pas beaucoup. Moi je peux te donner 20 balles si tu veux. Tu sais, c'est 45 euros. Ouais, oh bah ça va, c'est pas les 1000, ça va, on est. Ouais, c'est rien. Je peux payer moi de ma poche, c'est pas grave. Et bah moi aussi je peux te payer de ma poche si tu veux. Voilà. Ça me dérange donc, pas. Ce bulletin c'est fait, bah vous mettez un chèque à l'intérieur. On peut le trouver parce que. Bah nous on l'a distribué partout, je peux t'en laisser un petit peu. Tu peux m'en laisser pour la radio, hein. Qui passe, tu m'en laissais un petit peu quand même. Tiens, voilà. Moi j'ai mon pote, vois, en quoi, je vais enfiler à mes potes. Voilà. Ouais. Alors un don, au-delà de 15 euros, t'as un reçu fiscal. Ouais, bah ouais, d'accord, c'est connu. L'équipe des impôts. Hein, voilà. Et puis tu marques au dos du chèque, si possible en chèque, parce que c'est mieux pour nous. Ouais, c'est mieux. Et ouais, tu mets ton adresse mail au dos du chèque en lettres majuscules. D'accord. Okay. C'est précisé dedans. D'accord. Donc alors ce petit coupon, on le remplit, on fait un don et voilà. Et il y a une adresse postale. Si derrière. Ouais, d'accord. En haut, ouais. Virage ouais. De l'Espoir, 11 rue Sourde, 45-520, Cheville. Voilà, donc ça, c'est l'adresse postale. On peut. C'est chez moi. C'est chez toi, carrément, voilà. Ça arrive à la baraque. Et puis après, nous, on envoie direct à Paris. À Paris, direct ouais. Au siège. D'accord. Voilà. Okay. Et ils recevront un reçu fiscal dans la foulée. Dès que le siège a l'enveloppe avec les chèques à l'intérieur, ouais. Le reçu fiscal est fait. Il faut être honnête, hein, je pense que cette année, bah, ça va peut-être faire moins, non? Alors, je sais pas, hein, ça fera. Je me pose des questions. Ça fera moins. Ça fera beaucoup moins. C'est pas le même contexte. Nous avons fait des pages personnelles de collecte. Ah d'accord, ok. Voilà, si tu vas sur ma virade, ouais. Ma cheville, tu vas trouver 4 défis. Il y a des défis. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, au moment où je te parle, là, aujourd'hui, ouais. On avait demandé 10 000 euros. Ouais. On en est à 7 400. Ah, c'est bien. Ouais, c'est bien déjà. Hein. Là-dessus, tu rajoutes tous les dons personnels des personnes qui nous ont donné déjà dans ma boîte aux lettres, qui sont arrivés. Ah, c'est déjà arrivé. Ouais. Des gens de Chevilly qui le savent et qui viennent. Dans qui le passent. Village, là. Ouais. Voilà. Tu rajoutes 2 000. 9 000. Plus. Ouais, plus. J'ai des entreprises qui vont venir me donner de l'argent. Ouais, donc, on devrait atteindre les 10 000, 10 000, 12 000 euros. Ben, ça sera bien. Ça sera moins que zéro. Sinon, il n'y a rien. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Donc, si vous croyez en notre combat, si les gens croient en mon combat, parce que moi, je le fais, un pour ma fille, ouais. Deux pour tous les patients, parce que moi je vais te parler de, si tu me laisses le temps je de te tout le à temps, l'heure. Vas-y, mon ami. Il y a, pour une petite gamine qui est. T'as l'émotion là. Ouais. Ouais, mais tu peux te lâcher, Augustin, en direct à la radio. Hein. Je te suis, t'inquiète pas. Hein. L'émotion, elle est là aussi. C'est normal. Hein. Et on est des humains, mon ami. Hein. Ouais. Eh ouais, on est des humains avant tout. On n'est pas des robots. Hein. Ouais. La buco, elle est toujours là. Ouais. Malgré le Covid, elle est là. C'est son doigt, ça pourrit les gamins. Ça les pourrit, ouais. Ça les tue. J'ai bien compris ton message. Alors, on fait une virade parce que. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Tu peux. À cheville, c'est la. Pardon. C'est pas grave, tu. Et partout ailleurs, ouais. C'est la fête du village. On s'amuse ouais, en même temps. C'est une grande fête, ouais, c'est famille. Alors, aussi. Je suis persuadé qu'il y a 2/3 des gens qui viennent pour s'amuser. Ouais, pour faire la fête. Ils ne pensent pas à la buco, ils viennent, ouais. ils achètent des bières, ils achètent des casse-croûtes, ils ouais. Achètent des jouets, ils font jouer leurs gamins. Bon, ils c'est donnent ça. Du poignon, ils se rendent pas compte que c'est pour la muco. Peut-être que, ouais, certains ne s'en rendent pas compte, voilà. Mais d'autres s'en rendent compte aussi, mais d'autres viennent. Mais par contre, il y a des gens qui se savent pourquoi ils viennent. Il y en a qui ils disent, bah, c'est la fête ils du village. Ils viennent faire quoi. Un don. Voilà, c'est ça. Ils viennent faire un don. T'as deux catégories, ceux voilà. Qui viennent faire un don et ceux qui viennent s'amuser. Ce que je voulais te dire, c'est que, ouais. Moi je fais ça pour ma fille. Bien sûr, on a bien compris. Premièrement. Augustin, ouais. Depuis 27 ans. Mais il y a des petites gamines, là, je pensais à Amandine. Ouais. qui va faire un défi dimanche à 15h. Hein, et, putain, j'ai plus de voix. C'est bon, tu peux parler. Ouais, bois un coup, il y a de l'eau. Je t'ai mis de l'eau. Ouais, vas-y. Ah, c'est bien. Ah, je t'ai mis une petite bouteille. Ah, vas-y, serre-toi, mon ami. Tant que c'est pas du pinard, ça va. Non. Tu te rappelles que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les amis. Non, c'est de l'eau. On lui a mis des bouteilles d'eau, Augustin, à dispo. Ah, ça va mieux. Ah, ça va mieux, tu vois. Un coup de Volvic. Alors, cette petite fille va faire. Elle a 11 ans. Elle a la buco. Elle va faire un défi à 15h à Ingré. Ingré, ouais, d'accord. Et elle va faire des mouvements de gymnastique. Alors elle va faire des pompes, elle va faire du saut à la corde, elle va faire bien. Des tas de trucs. Enfin, c'est écrit en anglais les machins, mais c'est pendant une heure avec sa maman. À une heure. Ouais. Et le but, c'est de récolter des fonds. Ah, pendant une heure, on peut donner. Vous pouvez donner même maintenant, à partir d'aujourd'hui, maintenant, tout le temps. Vous pouvez donner tant que vous voulez. Ok. Et depuis qu'elle a mis son défi en ligne sur ma page Facebook, sur ma page à moi. Eh ben, elle avait demandé 1000 euros. Parce qu'on met un truc à maximum, quoi. Une barre. Elle est arrivée à 3900. Ah, bien, c'est bien. Ouais. Voilà. Et dimanche, c'est son défi qui va être filmé. Enfin, on va essayer de le filmer. C'est bien, faire une belle vidéo. Voilà. Ouais. Et tous ces gamins ont la rage de vaincre. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est eux. Ils ont envie. Ces patients-là se battent, mais alors comme des lions. C'est incroyable. Ils s'écoutent pas. Ils font ce qu'ils ont à faire le mieux possible, le plus fort possible. Ils veulent vivre. Ben c'est vivre. Ça, c'est important. Quand je vois des gens qui, bon, le Covid, il existe pas, voilà. On sait pas en fait. On sait plus trop maintenant. On sait plus trop. On se pose des questions. Non, mais c'est vrai. Au début, on y croyait. On me dit de mettre le masque, je mets le masque. Oui, voilà, on eux, écoute. Ils ont le masque depuis leur naissance. Eh ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et quand ils prennent des cachets, les 25 cachets, faut les prendre, qu'ils le veuillent ou non. Pas facile. Même si quelque part, d'après, il y a toujours des trucs. Des conséquences avec les cachets derrière. Et comme beaucoup de maladies malheureusement. Ouais, voilà. Et beaucoup de cachets, de vaccins, etc. Un dernier mot peut-être à rajouter. En tout cas, tu nous as bien ému. T'as ému les auditeurs. Les virages de l'espoir donc annulés malheureusement du côté de. Alors je chevilles, peux. Mais ce petit dépliant que vous pouvez retrouver vous permet de donner, de faire un don. Ouais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la virage de Chevilly et de Château-Renard est annulée. Ouais. La virade, alors il existe quand même trois virades. Il reste encore trois virades, dont une qui est un peu. Attendez que je vous la retrouve. Alors c'est celle de Nevoix qui a fait. On va parler de Nevoix qui a raccourci ses virades. Ouais. Le programme a été raccourci à des marches, randonnées. Ouais. Il y a des randonnées du samedi 26 14h au dimanche 27 14h. Ouais. Voilà, vous pouvez marcher toute la journée, toute la nuit même si vous voulez. Il y a 3, 6, 10 et 18 kilomètres. Vous voyez, vous avez le choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller à n'importe quelle heure pendant les 24 heures. Ouais. Et faire des dons que vous voulez. Très bien. Vous avez à Bouny-sur-Loire, c'est uniquement des marches et du VTT. Mmh. Et du vélo-route aussi. Alors, c'est 80 kilomètres. En VTT, c'est 36 et 49. Et pareil, vous faites des dons, vous faites ce que vous voulez. Voilà. D'accord. Vous avez à Ormes. Ah, à la Canaudière. À Ormes, à la Canaudière, ils font uniquement des. Alors ça a été réduit, pareil. Ouais, à des marches VTT. Malheureusement, ouais. Jusqu'à dimanche de 8h30 à 15h30, vous pouvez aller marcher, courir, marcher, faire ce que vous voulez, voilà. Et du VTT. Mmh. Et faire des dons, bien sûr, on a besoin de ça. C'est ça. C'est le mot magique cette année. Le don, c'est bien. Et Montargis, ils ont sur deux jours, 26 septembre et 27 septembre, ils font une virade des enfants. De 14 à 17h30, ils font un trail nocturne et ils font des circuits pédestres, pareil, VTT, cyclo, et etc. Et de la piscine, de la natation. Il y a plein de choses. Je sais que. J'espère qu'elle va pas être interdite. Voilà. On espère. J'espère que ça va être autorisé. Pour l'instant, c'est vu autorisé. Ce que j'ai trouvé tout à l'heure sur son site, c'est encore autorisé. Elle a pas mis de barrière. De dangereux. Voilà. Voilà. Bon, pour l'instant, en tout ça cas, voilà, des bonnes nouvelles. Alors, du côté de Montard. Alors, voilà. Tout ce que je voulais terminer en disant que la micro est toujours là. Toujours là. C'est présente, ça, sournoise et active. Mmh. Voilà. Ouais. On la voit pas, mais elle est là. C'est ça. Alors, pensez-y à nos enfants, pensez-y à nos patients. Ils vivent le Covid dans leur piole, dans leur maison. Ils bougent pas. Les instits. Alors je parle de ma fille qui est instite. Elle fait en distanciel maintenant parce qu'elle peut pas se permettre d'aller à l'école. Si un muco attrape le Covid, c'est tragique. Elle est très fragile. C'est la totale là. Donc on peut pas. Et on a besoin de les guérir. Alors au niveau médicaments, je finirai là-dessus. Bien sûr. Il y a eu le Calideco qui a été formidable pour certaines une mutation, vraiment formidable. Il y a eu l'Orcambi que Manon prend à l'heure actuelle depuis 3 ans. Elle a récupéré 10% de sa capacité pulmonaire. Mmh. C'est parce que la mucoviscidose, ça veut dire mucus visqueux, et ce mucus s'installe dans les poumons. Il prend la place de l'air au fur et à mesure, et il y a de moins en moins de place pour l'oxygène. Ouais, d'accord. Donc, elle est à 77% pour l'instant. Donc, ça va. Elle a 23% qui est pris. Ça a un peu progressé. Mais elle a un peu progressé. Et arrive un médicament depuis cette année, qui a été mis sur le marché cette année, qui s'appelle le Caftrio, et qui lui est miraculeux. Il ne guérit pas la muco, mais il est formidable parce que il les remet dans l'axe. Et c'est, d'accord, tout va bien. Et ben voilà. Il retrouve tout de l'espérance. C'est un peu d'air. Hein. Ah, c'est tout. C'est de l'air. Tout. Le mucus, il fond. Ouais. Mais la muco sera toujours là. Le germe, il sera toujours voilà. là. Voilà. Et ben, Augustin, on était heureux de t'accueillir sur Radio Arc-en-Ciel. À chaque fois, c'est vrai que c'est plein d'émotions avec toi. Et on aime bien. Et puis, tu viens quand tu veux. T'es chez toi, t'as la maison voilà. aussi. Dès que tu m'appelles, on répond présent. Bien sûr, on est là pour ça aussi. Je sais. Voilà. Alors, n'oubliez pas, quand nous, on est là pour ça. C'est normal, les médias. Beaucoup. Et n'oubliez pas ce petit dépliant, ce formulaire, hein, à faire les dons. N'hésitez pas. Même des petits dons. Alors, moi, je lance le message. On est à la radio. Si vous voulez passer du côté d'Orléans, Faubourg-Bannier, vous sonnez à la porte de la radio, je vous en donne, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a une cour. Ouais, tu m'en laisses un petit peu, vous garez dans la cour. Je donne tout ce que j'ai. Bah, donne-moi ça, et vous dites, Francky, je veux un formulaire, moi je te le balance par la fenêtre. Distribue à tous les animateurs déjà. Voilà, tous les animateurs qui veulent le donner, il n'y a pas de problème. Merci Augustin. Merci Franck, et puis bon courage à toi aussi, parce que je sais qu'on est tous un peu dans la galère là. Ah non, la merde. Salut Augustin. Salut, merci beaucoup à tous. On fait la photo ensemble. Ok.